فيدرك المهدي وقد أقمت الصلاة. Et la prière, ce sera la prière de Subh à ce moment-là. Et quand ça viendra, quand ça arrivera, il arrivera entre l'Adhan et l'Iqama. Il arrivera entre l'Adhan et l'Iqama. À ce moment-là, il rentrera. Et là, l'Mahdi, il s'apprêtait à faire la prière en tant qu'imam. Quand il va voir Aïssa, il va dire Khaddal. Il faut savoir aussi un point essentiel, c'est que Aïssa, il va yendil. Ma yendil si l'Adhi. Il ne viendra pas comme un prophète. Il n'aura pas le statut de prophète, il aura le statut de tabi'. Il suivra dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il suivra la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et non plus la législation qu'il avait à son époque. Il y a comme imam, adilan, mahdiyan, hakaman. Il sera ça. Ce sera aussi un imam, il sera juste, il sera... ce sera une source de guidée. Non, pas où il n'y a pas de problème. Mais il ne sera pas prophète. Attention. Il ne sera pas prophète. Donc on a dit, waqad ufinat as-salat. Fa yata'akhkharu al-mahdi. Chouf, ihtiram al-mahdi. Chouf les gens de science, les gens de foi. Qu'est-ce qu'ils qadiruna à ba'd al-ba'd. Par ici, ils disent, faites un tasser les dinars. Faites un tasser les dinars. Faites un tasser les dinars. Faites un tasser les dinars. Faites un tasser les dinars. C'est sur toi que la prière, moi je dois te suivre. Et donc, effectivement, il priera derrière Al-Mahdi. Donc, فَيَتَأَخَرَ الْمَهْدِي يُصَلِّيَ عِيْسَى بِالنَّاسِ فَيَأْبَى عِيْسَى Il refusera, وَيَقُلْ لَا لَا كَأُخِمَاتِ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضُ مَرَى Entre nous, on se suit, il n'y a pas de problème. تَكْرِمَةً مِنَ اللَّهِ لِهَذِي الْأُمَّ فَيُصَلِّي عِيْسَى خَلْفَ الْمَهْدِي ثُمَّ يَتَوَجَّهُ عِيْسَى إِلَى الدَّجَّالِ Aïda, Aïda, ici il y a un événement qu'il faut voir. C'est qu'à partir de quel moment Aïda il va voir le Messie de Dajjal? Il va le voir au moment où il va dire l'imam est Sami Allah ou l'imam Hamida. Il va dire Sami Allah ou l'imam Hamida, il va voir le Messie de Dajjal en face de lui. Et qu'est-ce qu'il dira après? Khatal Allah ou Dajjal. Dès qu'il va terminer la prière, lui en attendant, le Messie de Dajjal, quand il va voir le Messie al-Huda, il va voir Aïda alayhi salam, il va s'enfuir. Comment il va s'enfuir? Comme s'il fondait. Comme s'ils font, comme le sel qui est touché par l'eau. Ils font de فيدركوا عيسى بن مريم المسيح الدجال عند باب اللدى موسى كذا مغير كذا مغير بعض الأنظار بيان خصيص بس سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت في باب اللدى باب اللدى في كذا مغير إذا مغير لا بقى دونك المسيح الدجال إذا تسموت ستخجي فوق غزاء باب اللدى فباب اللدى باب اللدى باب اللدى إذن يريد فيقول عيسى إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَخُوتَنِي Je te dois un coup, tu ne peux pas y échapper. Il n'y a pas d'échappatoire. Il m'a un double d'euros. فَإِذَا رَآهُ زَابَ كَمَا يَزُوبُ الْمَلْحُ فِي مَعْ فَيَقُولُ عِيسَى إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَخُوتَنِي فَيُدْرِكُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ عند باب اللُّدْ في فلسطين فيقتله هناك ثم يتتبعه المسلمون أنصار الدجال من اليهود Une fois que le Messie de Dajjal va mourir à la Yid Aïssa, la suite, on la connaît. On connaît tous ces hadiths-là qui disent que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dira, il viendra un moment où il dira, Ya Abdallah, Shajar, Wal Hajar, Ya Qulani, Ya Abdallah, Ta'ali, Ta'ala, Min Wara'i, Ya Houdir. Prenez-moi sur vous. On va passer à ce moment-là. À ce moment-là, l'armée de Messie de Dajjal, là, les juifs, ils vont se cacher derrière la pierre, derrière les arbres et tout ça. Et à ce moment-là, يَخْتَبِئُونَ خَلْفَ الشَّجَرْ وَالْحَجَرِ فَيُنَادِ الشَّجَرْ وَالْحَجَرِ يَا مُسْلَمْ في رواية يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِي وَرَائِي تَعَالَى فَخُذْهُ فَاقْتِلْهُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فيختبئ أحد خلف الحجر والشجر فينفق الله الحجر والشجرة الله سبحانه وتعالى بإذنه il fera parler la pierre il fera parler les arbres

tu vois. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette année, l'imam yaghlab. L'islam yaghlab. C'est-à-dire que l'islam, il reprendra sa place dans le monde. Ça veut dire, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des menaces de l'Ukraine. Il y a un dire, mais attends, je sais que tu veux, bien sûr. Parce que tu veux la tête ou dans ton rôle qui. Moi, si je dis ça, c'est vrai. Parce que qu'est-ce qui. Si on suit après les événements, une fois qu'après, il y aura un vent qui va venir et qui va souffler dans les cœurs, tous les croyants, ils vont mourir. Voyez, وفي الحقيقة الكلام على المسيح دجال كثير ويطول بإيسي فترميني كونكلور الدرس للبروفة عليه الصلاة والسلام نوزا ديني دي رميز نوزا ديني دي شوز فرصو تزرعي عنقاو الجانغي الحديث لكل حديث يجي من سمع بالدجال من كي انتم غطري بالدجال فالنئنا أي يبتعد عنه فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن il jure le prophète عليه الصلاة والسلام. Pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que ça tu vas croire que oui moi je suis croyant, il n'y a pas de problème, j'ai la foi. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن. Il croit qu'il est croyant. فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. Il aura tellement de choses, des miracles que Allah سبحانه وتعالى va lui donner dans sa affaire. Il te peut voir, il te dit des morts, des menaces, pas grand. Il te dit, mais pas pour sa grandeur, nous sa puissance, il est faible, il a rajouté ma menace. Allah, je me parle, il lui donnera des choses. Bêche, ça va, la salle de l'église, je me montre, il l'a dit, khalaqa al-mawt wal-hayata, liyabluwakum, ayyukum ahsanu amala. Tout ça, ce sont des épreuves. Donc, la première des choses, si jamais même si il veut dire l'histoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à son opposé comme on vous l'a dit. الحديث أخرجه أحمد وغيره. لا تزن بشوف التعود في الصلاة. الصلاة عليه الصلاة والسلام علمنا في الصلاة أن نتعود منه. كنت أقول بعد صلاة الإبراهيمية اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ذكر هنا فتنة المسيح الدجال. دار الصيام شخص ودار الصيام من ديس الله. Pourquoi? Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a fait croire que l'événement ce sera un grand événement. C'est pas quelque chose qu'ils ont déjà reconnu. Troisièmement, أن يحفظ عشر آيات من أول سورة الكهف. Combien? Les 10 premiers versets de Surat al-Kahf. Et non pas les 10 derniers. Il y a une riwayat, mais cette riwayat là, elle est à 10. Si tu dis que tu peux apprendre les derniers versets de Surat al-Kahf. Là, cette riwayat, elle est da'ifa. Il y a chèvre. Ama riwayat sahiha, هذه هي. من حفظ عشر آيات من أوائل سورة الكهف. عُسِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ رواه مسلم عن أبي ضرداء أي أبي ضرداء رضي الله عنه إلى غطى في الحديث له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُسِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ إلى تسخيام بغنة للصفة عليه الصلاة والسلام من ذنبه أن يكون الإنسان من شكرا مكفور مدينة كذلك هو faire partie des habitants de Makkah, Madina. Si on fait partie des habitants de Makkah, Madina, Inch'Allah, on sera préservé de la fitna du Messie Hadidjal. Wa ila al-Nabi an yaqulna fi al-Messie Hadidjal, wa fi al-Hadith al-Baqiyya, wa ila maratil ukhra, Inch'Allah, bi'idhnillah, fi hadith al-Akhir, subhanahu wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum.